Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 8 octobre 1888, dans l'église du petit village de Sorbon, ça se trouve dans les Ardennes, au nord-est de la France, un monument est inauguré par Monseigneur l'Ingénieux, archevêque de Reims. Le monument est l'œuvre d'un architecte de Charleville agrémenté d'une statue. Il est la réduction du dôme de la Sorbonne, celle construite par Jacques Lemercier au XVIIe siècle. Ce monument est érigé à la mémoire de Robert de Sorbon, l'enfant du village. Et une plaque est apposée comme un CV. Savant, théologien, moraliste, prédicateur célèbre, chanoine de Cambrai, puis de Paris, il fut l'un des chapelains familiers de Saint-Louis, dont les largesses l'aidèrent en 1256 à fonder la Sorbonne. Cette humble asile des pauvres maîtres et étudiants, qui devint une pépinière d'illustres docteurs, la plus fameuse corporation séculière de l'université, l'une des gloires de la France chrétienne. L'une des gloires de la France tout court, peut-on dire, en parlant de la Sorbonne. Allez, partons à la rencontre de Robert de Sorbon. Nathalie Gorotchoff, bonjour. Bonjour. Robert de Sorbon. Pourquoi de Sorbon? Parce qu'il vient du petit village de Sorbon, dans les Ardennes. Vous pouvez nous le présenter? Il vient de quel milieu, ce Robert? Nous avons la chance de disposer d'un texte qui nous indique que Robert était fils de paysan. Bon, ça, c'est vraiment une chance immense, parce que c'est très rare que pour le XIIIe siècle, on connaisse, sauf si les gens sont issus de très illustres familles, c'est rare qu'on connaisse leur origine familiale. Mais c'est Jean de Joinville, le sénéchal de Louis IX, qui a croisé Robert de Sorbon à la cour de Saint-Louis et qui a un jour, lors d'une conversation, l'a traité de fils de vilain et de vilaine. Nous sommes donc assurés que Robert de Sorbon était fils de paysans. Peut-être des paysans un peu aisés, laboureurs, mais en tout cas des paysans. C'est toujours intéressant de voir ses destins, parce que Robert de Sorbon nous évoque tout de suite un univers entier qui est celui de l'université et de la Sorbonne. Comment passe-t-on au XIIIe siècle du statut de fils de paysan, de vilain, de vilaine, même laboureur, donc avec un peu d'argent, à celui de, alors je ne sais pas trop quoi dire, d'étudiant, de clerc? Oui, ça a dû d'abord être un clerc, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que les parents de Robert ont voulu le faire tonsurer, ils l'ont fait tonsurer. On était tonsuré à 12-13 ans, au début de l'adolescence, on devait aller voir l'évêque et les parents qui voulaient que leur fils devienne un clerc, l'entrée dans la cléricature, c'était d'abord la tonsure. On vérifiait que le jeune clerc savait lire et écrire, qu'il était de naissance libre, il y avait une petite somme d'argent à verser à l'évêque et il a dû entrer comme ça dans la cléricature. En même temps, on imagine bien, comme tous les autres étudiants de l'Université de Paris, qu'avant d'arriver à l'université, il avait reçu un enseignement élémentaire dans une école, une petite école, peut-être à Reims, peut-être à Rethel, on n'en sait rien. Mais il avait déjà appris à lire et écrire le latin, c'est certain. Nathalie Gorotchoff, vous êtes historienne, spécialiste de l'université au Moyen-Âge, professeure d'histoire médiévale à l'université de Paris-Est-Créteil. Vous avez écrit « Naissance de l'université, les écoles de Paris d'Innocent III à Thomas d'Aquin », publié chez Honoré Champion. Et puis « L'université et la ville, les espaces universitaires et leurs usages » en Europe du XIIIe au XXIe siècle, aux presses universitaires de Rennes. C'est un collectif avec Florence Bourillon, Boris Noguès et Loïc Vadelorge. Dites-nous, Nathalie Gorotchoff, peut-on parler de l'université au début du XIIIe siècle? Il faut préciser les mots. Existe-t-elle, cette université? C'est exactement le moment où elle apparaît et on peut dire qu'elle est en quelque sorte inventée, puisqu'elle n'existait pas dans les siècles précédents et qu'elle n'existait pas dans les autres civilisations. Elle est inventée à peu près au même moment, à Bologne, à Paris et à Oxford. Qu'est-ce que c'est, pour résumer? Il y a dans ces villes des écoles. Les écoles, ce sont des groupes formés par un professeur et des étudiants. Et à un moment donné, la naissance de l'université, c'est quand ces écoles se fédèrent et forment une organisation, une institution qu'on appelle l'université. À Paris, elle s'est probablement organisée entre 1200 et 1210. Et donc, quand Robert de Sorbon est arrivé, Elle était toute récente, toute jeune. Ce qui est d'ailleurs très étonnant de ne pas connaître la date précise de la fondation de l'Université de Paris, au tout début du XIIIe siècle, mais nous n'avons pas de date précise. Pourquoi ? Il nous manque un document, mais le document source ne suffit pas, ce n'est pas resté dans les mémoires. Non, et c'est le cas pour les autres universités, pour Bologne et Oxford. On va dire qu'on fixe une date approximative, mais à Paris, on peut dire qu'il y a des premiers règlements qui sont écrits en 1215, mais l'université existe avant. On le voit dans des lettres pontificales, par exemple, le pape Innocent III s'adresse déjà à l'université dans les années 1207-1208. Ils n'ont pas eu besoin d'établir un document au moment où ils se sont organisés, ou alors cette organisation a été progressive. Et alors, dans le grand concours des universités, il y a la volonté de savoir quelle est la première. En fait, c'est un mouvement international. Au moins à l'échelle de l'Europe, oui, et avec une circulation intense d'un lieu à l'autre, les Anglais venant sur le continent, dans les écoles de Paris, de Bologne, les Italiens venant à Paris, et donc effectivement, le mouvement s'est fait à peu près au même moment. Probablement, Bologne est la plus ancienne, je ne voudrais pas. Je crois qu'il faut leur donner quand même cet avantage, car ces juristes se sont quand même organisés très tôt. Et puis nous, nous allons à l'université, ni à celle de Bologne, ni à celle de Paris, nous partons à Salamanque. Ce que nous avons hâte de voir en premier lieu, c'est en vérité sa fameuse université qui, fondée en 1230 par le roi Alphonse IX, fut l'un des foyers de culture les plus rayonnants d'Europe. Au XVIe siècle, ses étudiants viennent de toutes les provinces de la péninsule et de tous les pays d'Europe. On évalue à une dizaine de milliers ceux qui alors fréquentaient ses cours et l'on se prend à rêver aux rues de la Salamanque de cette époque-là. Elles étaient bruissantes de jeunes gens, avides de plaisir autant que de savoir, venus de la Castille, des provinces basques, d'Andalousie et d'Estrémadour. Il nous semble entendre leur voix juvénile. Au dialecte de toutes les Espagnes se mêlent les sons plus gutturaux des parlers anglo-saxons. Ce ne sont, dans les cours et dans les couloirs, que discussions, clameurs, éclats de rire, pas retentissants sur de larges dalles sonores. Robert Larrieux, professeur agrégé d'espagnol, qui raconte l'université de Salamanque dans l'émission L'heure de culture française en février 1959. Alors, dans l'extrait, nous entendons bien la fondation de cette université au XIIIe siècle et son écho au XVIe avec ses étudiants qui parlent toutes les langues. Mais cela est valable aussi pour le XIIIe siècle. Oui, bien sûr. Alors, Salamanque est une des premières universités d'Europe après les trois premières. Il y a eu à peu près 12 universités fondées en Europe au XIIIe siècle. Donc après Bologne, Paris, Oxford, on a effectivement eu la fondation de Salamanque qui a véritablement pris son essor au milieu du XIIIe siècle avec des statuts qui ont été donnés par Alphonse X le Sage, roi de Castille. Peut-être que l'université de Salamanque au XIIIe était un petit peu moins, entre guillemets, internationale parce qu'elle recrutait quand même essentiellement en péninsule ibérique, à la différence de Paris, mais elle recrutait sur l'ensemble, effectivement, de la péninsule, peut-être un peu sur le sud de la France aussi, mais on n'a pas d'études très précises. Mais c'est vrai qu'il y avait dans toutes ces universités un grand brassage, une grande diversité d'étudiants qui venaient souvent de très loin. Qui venaient de très loin, et dans le cas de Robert de Sorbonne, qui vient des Ardennes et qui se déplace donc jusqu'à Paris, sans doute attiré par l'université qui vient de naître, qui est toute jeune. L'université a déjà du prestige. Nous avons cette image d'une université prestigieuse par son ancienneté. Mais pour rappeler qu'au XIIIe siècle, elles sont toutes récentes. Pourquoi l'université connaît un tel succès? Alors, récente et pas récente, parce que Paris est un, comme Bologne, sont des centres scolaires au XIIe siècle. Avant de former des universités, ce sont des écoles qui déjà rayonnent sur l'ensemble de l'Europe. Donc, en fait, le succès de Paris, il est déjà bien confirmé au XIIe. Et on a même des témoignages, on n'a pas le temps de développer, à la fin du XIIe siècle, de clercs, d'abbés qui s'inquiètent. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants, beaucoup, beaucoup de professeurs. Et puis, pas vraiment de cohérence, qui s'inquiètent de ce qu'on peut enseigner dans telle ou telle école, parce qu'il n'y a pas de règlement. Avant que l'université existe, il n'y a pas de règlement sur les programmes. Donc des témoignages sur, on va dire, une certaine liberté aussi, hein, d'enseignement. Comment peut-on imaginer la construction de cette université? Comment s'organise-t-elle? Nathalie Goroshoff, nous avons donc des petites écoles complètement indépendantes et en fait réunies sous ce terme d'université. Mais comment ça se passe? Quels sont les lieux où se retrouvent ces étudiants et ces maîtres? Alors, les lieux, justement, c'est vraiment la chose qui est la moins... En fait, il n'y a pas de lieu spécifique à l'université. Les maîtres se jurent de respecter entre eux les règlements qu'ils se donnent. Quand l'université de Paris se met en place, ils jurent de suivre les programmes sur lesquels ils se mettent d'accord, les horaires des cours. Ils se réunissent en assemblée pour prendre des décisions. Mais ils se réunissent dans les lieux qu'ils trouvent. Ça peut être des grandes églises, ça peut être des couvents. Et il n'y a pas de lieu spécifique de l'université. Alors ça veut dire que les professeurs louent des salles pour faire leurs cours à leurs étudiants. Donc pas de lieu. Donc l'université, finalement, dans le paysage du Quartier Latin, on ne la voit pas avant l'apparition des collèges. Et tout cela est relié évidemment à la religion. L'Église est essentielle. Eh bien, écoutons l'autorité. Écoutons Philippe le Chancelier, chancelier de Notre-Dame, en 1217. Jadis, quand chaque maître enseignait de son côté, et que le nom même d'université était inconnu, lectures et disputes étaient fréquentes. On avait du zèle pour l'étude. Mais maintenant que vous vous êtes unis pour former une université, les leçons sont devenues rares, tout se fait à la hâte, l'enseignement est réduit à peu de choses. Le temps pris aux leçons est gaspillé en réunions et discussions. Alors, nous avons ici le chancelier de Notre-Dame qui explique dans les années 1220 que l'université, assez jeune, n'est pas un progrès. Mais la nécessité de mettre en place l'université doit répondre, Nathalie Goroshoff, à quelque chose, à un besoin. Quel est ce besoin? Il y a dans cet extrait quand même l'idée qu'il faut organiser pour éviter les disputes. Alors, ce passage est de... qui est un passage d'un sermon de Philippe le Chancelier, qui était lui-même professeur de théologie à l'université, et tout à fait fameux et étonnant, parce que on a quand même l'impression que globalement, les hommes d'Église, et au premier rang desquels le pape, ont plutôt encouragé la fondation de l'université, parce que ça mettait de l'ordre dans les écoles. Hein, dès que l'université s'organise, comme je le disais à l'instant, il y a des programmes, et donc ça fige un peu les choses, mais ça impose aussi aux maîtres d'être chacun dans sa discipline, par exemple. Au XIIe siècle, des philosophes pouvaient aller enseigner la théologie, ça ne plaisait pas du tout, qu'on commence à discuter de théologie quand on était philosophe. Là, désormais, il y a les arts libéraux d'un côté, la théologie de l'autre. Donc, l'Église, globalement, elle a été assez favorable à cette mise en ordre de l'université. Et c'est étonnant parce que là, dans ce cas, mais ce témoignage de Philippe le Chancelier, il est aussi intéressant parce que il révèle la fréquence des assemblées où on discute, où on prend des réunions, en fait, cette espèce de démocratie universitaire qui, effectivement, est née avec l'université dans la première moitié du XIIIe siècle. Enfin, et il a vécu ça, Philippe le Chancelier. C'est un des rares témoignages sur avant et après la naissance de l'université. Donc c'est vraiment un texte très rare. Et lui, bon, il est un peu critique parce qu'il trouve qu'on perd un peu trop de temps dans les assemblées. Mais ces assemblées, c'est la manière dont les universités sont gouvernées. Ce sont les assemblées de maîtres qui, collectivement, prennent des décisions. Dans ce texte de Philippe le Chancelier, qui a été lu par Daniel Königsberg, nous percevons bien la vivacité intellectuelle du XIIIe siècle. Et cela aussi, sans doute, est à souligner pour bien comprendre le succès de cette structure vaporeuse qu'est l'université. Il y a quelque chose ici qui porte en fait ses maîtres, c'est cette volonté de savoir. Mais ce savoir n'est pas limité à une nation, terme anachronique. On parle toutes les langues, mais on parle principalement le latin. Oui, ils n'avaient aucun problème pour communiquer entre eux, puisque l'enseignement se faisait en latin. Les textes au programme étaient en latin, et ils échangeaient, ils discutaient entre eux en latin probablement. Enfin, en tout cas, dans le cadre des cours, c'est certain. Nathalie Goroshoff, dans cette histoire arrive Robert, donc il vient de Sorbonne, son village de Sorbonne. Il arrive à l'université, enfin, il arrive à Paris. Comment un jeune homme qui vient de province peut s'inscrire dans un monde de l'enseignement au XIIIe siècle. Tout est compliqué. Aujourd'hui, ça l'est énormément. Faut se loger, faut se nourrir. Comment cela se passait-il au XIIIe siècle ? Les problèmes étaient les mêmes. Il fallait se loger et se nourrir. Donc, du point de vue matériel, il y avait des gens qui étaient riches, donc qui arrivaient, qui louaient des maisons, qui arrivaient même avec des serviteurs personnels. On en a des exemples. Et il y avait aussi apparemment des plus pauvres qui venaient. On a des exemples. Alors, Robert de Sorbon, fils de paysan, mais on a d'autres exemples. On peut citer les poésies de Ruteboeuf au milieu du XIIIe siècle, qui évoque la pauvreté, la misère des étudiants qui n'arrivent pas à aller jusqu'à leur diplôme parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre correctement, d'acheter des livres, de payer les cours, etc. Donc c'était un problème probablement pour les plus modestes. Alors, probablement, un certain nombre d'entre eux bénéficiaient de sortes de patronages, de protections, comme c'était des clercs, la plupart étaient des clercs. Dans le cas de Robert, on ne sait pas exactement comment il a été logé à l'université dans ses premières années d'études. Peut-être y a-t-il eu un prélat ou un chanoine qui l'a accueilli chez lui. Peut-être a-t-il été logé dans un des tout premiers petits collèges de Paris. Il y avait quelques petits collèges qui existaient au début du XIIIe siècle, dont un collège qui s'appelait le collège de Rethel. Donc, comme il vivait, il était originaire de cette région, il a peut-être été accueilli là. Mais en tout cas, on n'a pas d'attestation de ça et il n'en parle pas dans ses œuvres. Et d'ailleurs, je viens de dire que le mot « nation » pour qualifier un pays est un peu anachronique. En revanche, le mot « nation » dans les villes du XIIIe siècle pour qualifier les origines des étudiants, là, c'est pertinent. Ça fonctionne ? Oui, la nation dans l'université. Alors, peut-être pas au tout début du XIIIe, parce qu'au départ, les autorités ecclésiastiques ont été un peu méfiantes et ont interdit l'organisation des nations. Mais à un moment donné, on les a autorisés. Au milieu du XIIIe siècle, les nations, ce sont des groupements d'étudiants, en particulier de la faculté des arts libéraux, la plus nombreuse, et la faculté dans laquelle vont les étudiants d'abord, hein, sorte de faculté propédeutique. Les nations sont des regroupements par région d'origine. Et ils assurent une sorte de solidarité, de confraternité au sein de ces groupes. Les étudiants qui arrivent à Paris rejoignent immédiatement les membres de leur nation. Ils rejoignent les membres de leur nation, donc il y a les Bretons, il y a les gens du Sud, il y a les gens des Ardennes, c'est le cas de Robert de Sorbon. Et puis, Nathalie Goroshoff, il faut faire un peu de géographie lorsque l'on parle de l'université. La géographie, où s'installer, cela nous conduit à évoquer Abélard. Il y eut Saint-Dominique, il y eut Saint-Bonaventure, et il y eut Abélard enfin, qui connut Héloïse. 11e siècle maintenant. Le roi est encore en son palais de Lille. Abélard ne peut plus supporter l'autorité du cloître et la toute-puissance des prêtres. Il s'en va vers la rive gauche, franchit le pont, le petit pont, et va s'installer sur la montagne Sainte-Geneviève, donnant à ce quartier sa vocation définitive. Les escoliers du Moyen-Âge, tels que présentés dans les archives en 1967, avec ce personnage d'Abélard, donc qui évoque le avant la Sorbonne, avant même l'université à Paris, et avec cette localisation qui nous intéresse, qui est la montagne Sainte-Geneviève. On ne parle pas encore de quartier latin, je pense, mais nous ne sommes pas loin. Il y a déjà l'implantation, nous l'entendons bien, de tous ces petites écoles ou ces collèges de ce côté-là de la Seine sur la rive gauche. Oui, tout à fait. Et effectivement, cette implantation des écoles, elle est très ancienne. Elle remonte à Abélard, c'est-à-dire dans le premier quart du XIIe siècle, où l'on voit l'enseignement, les maîtres qui enseignent à Paris, qui sont de plus en plus nombreux, hein, dès la première moitié du XIIe siècle, s'installer de préférence sur la montagne Sainte-Geneviève, plus pour s'éloigner probablement aussi un peu de l'autorité de l'évêque qui est sur l'île de la Cité. Et donc il y a aussi une sorte d'émancipation de l'enseignement par rapport à l'autorité ecclésiastique avec cette migration sur la montagne. Nathalie Goroshoff, justement, parlons du rapport des étudiants et des maîtres à l'autorité. Parce que cette relation-là me semble essentielle pour saisir combien l'université se construit dans la volonté d'être indépendante. Il y a déjà des moments de forte tension au XIIIe siècle. Oui, ça a commencé très tôt, Ça a commencé, donc il y a eu quelques épisodes. Déjà en 1200, il y a une première querelle banale entre des étudiants et un tavernier qui a été suivie par une répression. Hein, le prévôt est intervenu, il y a eu des étudiants tués. Et il semblerait bien que là, les maîtres, qui n'étaient pas organisés encore en université, mais on sent qu'il y avait déjà une sorte de collectif, ont menacé de partir de Paris. Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas d'édifice, c'était simple d'aller enseigner ailleurs. Et Paris apportait un immense... L'université, les écoles plutôt, apportaient un grand prestige à la capitale capétienne. Philippe Auguste a arrangé cette affaire, il a donné des privilèges aux maîtres et aux étudiants, c'était en 1200. Donc il a évité, au fond, la catastrophe, le départ. Mais 29 années plus tard, en revanche, un épisode à peu près similaire, des étudiants qui contestent le prix un peu élevé du vin, une bagarre avec le tavernier, d'autres étudiants qui arrivent après pour semer un peu le désordre dans le quartier, une répression meurtrière provoque, cette fois, une grève, c'est-à-dire une cessation des cours, hein, les maîtres cessent d'enseigner. Et la majorité des maîtres et des étudiants quittent Paris pour 2 ans. Donc là, ça a vraiment été, après avoir essayé de négocier avec le pouvoir royal, en l'occurrence la mère du jeune roi Saint-Louis, Blanche de Castille, qui n'a pas bien compris l'enjeu. Et d'ailleurs, ce départ ne peut être que au bénéfice des autres universités, alors qu'elles soient en France, mais même encore plus loin. Vous nous dites, hein, Nathalie Goroshoff, que les étudiants s'en vont, les maîtres aussi. C'est pas rien ça, quand on a un grand savant qui quitte la ville de Paris, qui arrive, je sais pas moi, à Orléans ou ailleurs. En effet, ils sont partis par centaines, professeurs et étudiants, n'étant pas attachés à des lieux. Ils sont partis. Alors certains, donc on a diverses destinations. Les Anglais, qui étaient très nombreux à Paris, sont repartis en Angleterre pour beaucoup. Ce qui a été un bénéfice pour l'université d'Oxford, qui, il faut quand même l'avouer, végétait un petit peu depuis sa fondation au début du XIIIe siècle et qui a pris un essor en quelques mois. Il y a même le roi d'Angleterre qui a invité l'université de Paris à venir en Angleterre, mais ils n'ont pas entendu son invitation. Il y a des professeurs et des étudiants qui sont partis à Orléans, ce qui a également développé les écoles orléanaises à cette époque. Il y a eu un enseignement du droit romain qui s'est implanté à Orléans, de même à Angers. Et puis, il y a eu des gens qui sont partis en Italie, qui ont profité de la grève pour aller dans des écoles. On a quelques exemples d'étudiants, de professeurs qui sont allés à Bologne. Ils se sont dit, après tout, pourquoi ne pas aller là-bas. Des étudiants ibériques ou d'autres nationalités qui sont partis en péninsule ibérique et qui, eux aussi, se sont mis à enseigner là-bas. Donc, effectivement, une sorte de diaspora des professeurs et des étudiants qui a provoqué un essor de nombreux centres scolaires. Robert de Sorbon, à ce moment-là, en 1229, il a 28 ans. La grève dure jusqu'en 1231. Est-ce qu'il est compromis dans ces histoires-là? Est-ce qu'il vit ça? Il est déjà à Paris à ce moment-là? Bien sûr qu'il est à Paris. Il est à coup sûr étudiant en théologie, mais il ne dit mot de cette grève dans ses œuvres. Peut-être ne lui appelle-t-elle pas trop plu, et il est possible qu'il n'ait pas quitté Paris. On n'en sait rien, parce qu'on n'a évidemment pas de source sur l'ensemble des étudiants. Mais comme il était étudiant en théologie et peut-être étudiant auprès d'un maître chanoine de Paris, et que ces chanoines de Paris se sont totalement désolidarisés de la grève, et eux ont continué à enseigner comme si de rien n'était, il est possible que Robert soit resté à Paris. Et rester à Paris, c'est normal, parce que nous avons tous vécu cette vie d'étudiant, que ce soit à Paris ou dans n'importe quelle grande ville de France. Et partout, il y a ce petit quelque chose de particulier. Ben, pour Robert de Sorbon, son quartier, c'était le quartier latin. Quartier latin, chaque matin, je suis toujours le même petit chemin. Je suis content d'être étudiant, de parcourir l'époque heureuse de mes 20 ans. Sur le boule miche, je ne suis pas riche, ça ne m'empêche pas de gambader comme un caniche. Même sans rien, je serai quelqu'un, dans mon quartier, dans mon petit coin. Quartier latin, quartier latin, les examens sont dans un mois, crénom d'un chien, ce n'est pas loin. Toutes les nuits, même dans mon lit, J'étudie les maths, l'histoire, la philosophie. Enfin voilà les résultats. Je vois des noms qui dansent. Oh, quel émoi! Et puis soudain, voici le mien. Mention très bien, je suis quelqu'un, quartier latin. Quartier latin, on souffle un brin. Sur les boulevards, c'est un incessant va-et-vient. Les encriers sont fracassés, car un monôme s'est fait pour rire et pour chanter. Le ciel est bleu, on est heureux, et l'on trouve que toutes les filles ont de beaux yeux. Quartier latin, je te connais bien. Adieu mon vieux, porte-toi bien. Henri Decker qui chantait le quartier latin. Ah, la belle variété française, un peu surannée, mais qui fait toujours plaisir dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Clément Daté, les grandes figures qui ont façonné l'université. Aujourd'hui, Robert de Sorbonne, et évidemment la Sorbonne. Nathalie Goroshoff, justement, que se passe-t-il pour qu'un étudiant, Robert, qui vient du village de Sorbonne, Robert de Sorbonne, décide à Paris, de fonder sa propre institution. Nous parlons aujourd'hui de la Sorbonne comme université. Robert de Sorbonne ne fonde pas l'université, elle est déjà là. Bien sûr, la Sorbonne, au XIIIe siècle, c'est le nom qu'assez rapidement va prendre ce collège fondé par Robert. Un collège, depuis la fin du XIIe siècle, c'est un lieu d'hébergement pour les étudiants, pour quelques étudiants. Et quand Robert de Sorbonne décide de fonder un collège, il en existe quelques-uns à Paris, mais très peu. Il y a le collège des 18, fondé à la fin du XIIe siècle, puis quelques autres petits collèges pour 5-6 boursiers. Donc, en fait, l'institution collégiale n'existe quasiment pas, en fait. Elle est véritablement à ses tout débuts, quand Robert décide de faire cette fondation. Quand Robert fait cette fondation, vous évoquez donc un si petit groupe d'élèves, d'étudiants. Nous sommes sur une quinzaine, nous sommes très loin des amphithéâtres surbondés d'aujourd'hui. Est-il possible, c'est votre travail de recherche, Nathalie Goroshoff, de retrouver en fait qui étaient ces étudiants? Et je trouve cela assez passionnant dans la démarche de l'historienne, d'essayer de saisir le profil de ceux qui sont autour du fondateur de cette amorce, en fait, de la Sorbonne. Qui sont-ils? Alors, donc, quand il a eu mis en place ce collège, après plusieurs années d'achat de maisons, et donc il a constitué cet ensemble, il y a installé 15 maîtres essarts. Donc, ce n'étaient pas des tout jeunes étudiants, c'est des étudiants qui avaient déjà la maîtrise essart, qui avaient fini leurs études à la faculté des arts libéraux, et qui s'engageaient dans des études en théologie. Donc, des gens de 22, 23 ans. Il y avait 15 bourses. Donc 15 places dans ce collège, des bourses, des chambres. Il a recruté probablement des gens qui lui étaient familiers. On le voit parce qu'on connaît les noms des premiers boursiers, notamment dans l'obituaire, hein, qui est un registre dans lequel on enregistre les décès et les messes anniversaires pour les morts. Et il se trouve que plusieurs des premiers boursiers portent des noms de petits villages proches de Sorbonne. Et après tout, comment recruter, sélectionner ces étudiants? Robert a pris parmi ses familiers des gens qui venaient de la même nation, de la même région que lui. Et il les a accueillis au collège dans les premières années. Et alors, pour fonder une telle institution, j'imagine qu'il faut avoir des moyens ou alors des réseaux. Comment a procédé Robert de Sorbonne? Les deux, alors il avait les deux. Des moyens, peut-être, mais les moyens d'un chanoine, enfin, qui avait deux prébendes, ça n'était pas une fortune colossale. Bon, il avait des bons revenus, mais ça n'est pas sa seule fortune qui a pu suffire. On a un magnifique cartulaire pour le collège de Sorbonne qui a été copié au XIVe siècle et dans lequel on voit les dizaines de contrats d'achat que Robert a passés pour acheter des maisons, pour acheter des terres, pour que le collège ait des biens et des rentes. Et il est clair qu'il a eu une aide, un soutien du roi Saint-Louis, hein, qui a donné des biens, qui a donné de l'argent, mais aussi d'un réseau d'amis, d'ecclésiastiques qui étaient plus fortunés que lui, qui ont fait des dons, de terres, de maisons, qui dans leur testament ont légué des livres. On va sans doute y arriver, parce qu'il y avait une bibliothèque au collège. Voilà, la bibliothèque est quelque chose d'essentiel, parce que le livre est un objet précieux. Un livre coûte cher, et puis ils ne sont pas aussi diffusés qu'aujourd'hui. Le livre, Nathalie Gorotchoff, est essentiel dans votre démarche d'historienne pour aussi identifier la manière dont se tissent les réseaux au tout début de l'université. Oui, alors évidemment, le livre est essentiel. Les professeurs en ont besoin quand ils font cours. Les étudiants également. Hein, ce sont les livres des autorités au programme, hein, donc selon les facultés. Et ce qui est absolument remarquable dans l'histoire du Collège de Sorbonne, c'est que, en réalité, avant la naissance de ce collège et avant l'organisation d'une bibliothèque dans le collège, il n'y avait pas de bibliothèque dans l'Université de Paris. Ce qui veut dire que les professeurs et les étudiants n'avaient que leurs livres personnels pour travailler. Des livres qu'ils faisaient copier, qu'ils achetaient d'occasion, qu'ils achetaient neufs selon leurs moyens. Ça coûtait extrêmement cher hein, de faire copier un livre. Et donc ça, c'est vraiment une idée étonnante. Alors, il y avait déjà des bibliothèques, elles existaient en Europe, mais c'était des bibliothèques essentiellement monastiques. Hein, dans les monastères, il y avait des bibliothèques. Mais dans le contexte scolaire et universitaire, il n'y avait pas de bibliothèque. Et l'idée de génie de Robert de Sorbonne, c'est donc d'avoir fondé ce collège, cet établissement pour accueillir 15 boursiers étudiants. C'est très peu. Il y avait des centaines d'étudiants à Paris. Donc, il faut imaginer la chance qu'avaient ces étudiants par rapport à tous les externes, ce qu'on appellerait les externes. Eux étaient logés, avaient une bourse d'études. Et dès les origines, Robert a voulu mettre en place une bibliothèque qui a progressivement grossi avec des... Alors, sa bibliothèque, il l'a donnée au collège, mais... Une bibliothèque personnelle, à l'époque, c'est quelques dizaines de livres, c'est déjà énorme. Il a eu des dons importants de livres par des amis à lui. Et progressivement, cette bibliothèque a grossi pour devenir probablement la plus belle bibliothèque publique d'Europe au XIVe siècle. Robert de Sorbonne fonde un établissement. Donc il y a des lieux pour héberger les étudiants. Il y a des lieux qui permettent d'avoir des revenus. Il y a cette bibliothèque. Mais alors, pour fonder une université, il y a ce règlement aussi, qui est drôlement étonnant. C'est-à-dire une conception mentale de la manière de se comporter, d'être étudiant. Oui, alors, il y a des règlements pour l'ensemble de l'université, qui existent dès le début du XIIIe siècle. Mais Robert met par écrit des règlements pour son collège. Donc il faut préciser qu'il l'a gouverné comme proviseur pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'il l'a. Le collège s'est ouvert en 1256 ou 1257. Et à partir de ce moment-là, Robert en a été le proviseur, renonçant finalement à toute carrière ecclésiastique, peut-être. Il avait deux prébendes canoniales. Il n'a jamais essayé d'aller plus loin, d'être dignitaire de chapitre. Sa vie, c'était vraiment ce collège qu'il avait fondé et sa fonction de professeur de théologie. Il a gouverné ce collège pendant 20 ans. Et ce qui est amusant, c'est pendant des années, parce qu'on est finalement pays de droit coutumier, donc on n'a pas besoin de mettre les choses par écrit. Donc il y avait des règles, mais qui n'étaient pas mises par écrit, probablement. Et à un moment donné, au bout d'une douzaine d'années, il a pris le soin de rédiger des règlements pour le collège, qui au fond sont la mise par écrit de coutumes qui s'étaient instaurées au fil des années. Oui, alors ça c'est drôlement intéressant. Là je peux lire des extraits du règlement du collège de Sorbonne, donc un règlement rédigé par Robert de Sorbonne. « Je veux que les coutumes qui ont été instituées dans cette maison depuis son origine soient toujours conservées, d'où la nécessité de les mettre par écrit. Et tout est détaillé, personne ne mangera dans sa chambre sans raison valable. Si un autre en visite un boursier, il mangera dans la salle commune. Si un boursier juge qu'il ne convient pas d'inviter son hôte à manger dans la salle commune, il mangera avec lui dans sa chambre. » C'est étonnant, hein, tout est détaillé jusqu'aux vêtements. On a l'impression que Robert de Sorbonne était particulièrement attentif à la vie quotidienne du collège, à la vie matérielle. Et ce document est absolument merveilleux pour essayer de restituer cette vie quotidienne à l'intérieur du collège, où il est question, donc dans les règlements de la cuisine, des domestiques qui lavent les vêtements, par exemple. Robert de Sorbonne se préoccupe dans ses statuts de bien préciser que les vêtements des boursiers doivent porter des marques de manière à ce qu'on ne mélange pas les vêtements entre eux après les avoir lavés. Donc vous imaginez, il va jusqu'à des détails qui sont extraordinaires. Il est très attentif à tous les moments où les étudiants sont malades également. Et ça, c'est très frappant. hein, quand ils sont malades. Alors ils ont le droit de manger dans leur chambre, parce que sinon c'est quand même une vie collégiale, une vie communautaire. Il instaure une sorte de vie. Alors c'est pas un cloître, un collège, hein, c'est pas un monastère, mais il y a quand même des similitudes avec les règles monastiques, repas en commun, hein, trois fois par jour, lecture pendant les repas. Mais il y a quand même quelques exceptions à cette vie commune. Des exceptions à une vie commune pour Robert de Sorbonne, qui met en place alors ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom la Sorbonne, qui est une université qui ne l'était pas au XIIIe siècle, c'était un collège. Écoutez, archives amusantes de 1950. Le 21 de ce mois d'octobre, la Sorbonne pourrait célébrer son 700e anniversaire. Ce qui lui donne, n'est-ce pas, un âge respectable. Très différente, sous tout rapport, à sa naissance, de ce qu'elle est devenue. La Sorbonne est ainsi appelée, vous le savez, du nom de son fondateur, Robert de Sorbonne. Si, par quelque miracle, ce théologien moyenâgeux revenait parmi nous, il serait probablement ulcéré en constatant que de ses traités sur la conscience, le chemin du paradis, de la confession, ainsi que de ce sermon en latin, tenu alors en haute estime, nul aujourd'hui n'a plus souvenance. En outre, risquerait-il peut-être, quoique défunt, de mourir de saisissement en apprenant qu'il avait créé chez nous l'enseignement supérieur et même, par ricochet, l'enseignement secondaire sans le vouloir, en croyant faire simplement acte de charité. Dans l'émission Heure de culture française en 1950, l'anniversaire de la Sorbonne était évoqué avec le mot moyenâgeux. Oublions-le, parlons de médiéval. Mais surtout, c'est vrai qu'il y a une justesse de dire que 700 ans après la fondation de la Sorbonne, Robert de Sorbonne, en fait, serait étonné si on lui disait « Mais vous avez fondé l'université française ». Tout à fait. Et la Sorbonne, qui est aujourd'hui un nom très connu, c'est le nom juste du village natal de Robert. Et on a appelé son collège le collège de Sorbonne parce que c'était un collège fondé par Robert de Sorbonne, du nom de ce petit village. Et si c'était un collège, un simple collège, pendant juste toute la période médiévale, ce qui a donné à la Sorbonne cette importance, c'est qu'ensuite, à l'époque moderne, c'est devenu le siège de la faculté de théologie. Et ensuite, finalement, le siège de l'Université de Paris, bien plus tard. Mais ça aurait pu être le cas d'un autre collège. Finalement, c'est une sorte de hasard. Hein, que... Et Robert de Sorbonne, du coup, devient un professeur par son nom, très fameux. Il est extrêmement célèbre. Il n'aurait pas fondé ce collège, il serait peut-être relativement oublié, car ça n'est peut-être pas la plus grande figure intellectuelle du XIIIe siècle. On va dire qu'il a une œuvre, mais par rapport à un Thomas d'Aquin, un Bonaventure, ou des maîtres séculiers, Guillaume d'Auvergne, son œuvre est quand même bien moins importante. Nathalie Groschoff, vous avez cité Joinville, donc le chroniqueur de la vie de Saint-Louis, qui mentionne Robert de Sorbonne, alors de manière extrêmement anecdotique, mais Robert de Sorbonne est aussi un proche du roi. C'est amusant d'ailleurs de voir les moments où il est juste évoqué, parce que nous sommes sur de la toute petite anecdote. Ça, c'est une énigme. Comment ce fils de paysan ? Parce qu'il faut quand même imaginer que c'est une société qui est ordonnée, très hiérarchisée. On n'arrive pas comme ça à la cour du roi et à la table du roi. Robert mangeait à la table de Saint-Louis. Après son retour de croisade, hein, donc c'est plutôt après 1254. Comment était-il arrivé là ? Alors on a des hypothèses, parce que fils de paysan, clairement, il n'était pas noble, il n'avait pas ses entrées à la cour. Il est possible, parce qu'il avait des amis à l'université, et dont des maîtres qui étaient, eux, des nobles, il est possible qu'il ait été introduit, mais c'est une hypothèse de travail, par l'un de ses amis, Robert de Douai. Robert de Douai a fait des dons à la Sorbonne, c'était un proche de Robert de Sorbonne. Et Robert de Douai était un maître en médecine. Et il n'y avait pas beaucoup de maîtres en médecine, et lui était médecin de la reine, de Marguerite, la femme de Saint-Louis. Est-ce que ça ne serait pas Robert de Douai qui aurait introduit Robert de Sorbon à la cour, c'est possible. Possible, des hypothèses, mais beaucoup de choses sur le XIIIe siècle obligent à des hypothèses, même si là nous avons quand même des documents, et puis le travail que vous réalisez, Nathalie Gorotchov, d'historienne, en croisant toutes ces sources, permet d'y voir plus clair, avec un autre aspect à prendre en compte, c'est eh bien cette gloire nationale que représente la Sorbonne. Nous partons en 1888, attention, inauguration du monument à Robert de Sorbon. Le 9 octobre 1201 naissait dans cet humble village le maître illustre qui devait donner à l'Église et à la France la maison de Sorbonne. Fils de cette terre de Champagne fécondée en héros, il fut bercé sur les genoux de pauvres paysans dont la foi chrétienne inébranlable était la richesse. Il grandit dans l'air fortifiant de la pauvreté qui prépare aux mâles vertus de la vie les âmes bien trempées. À qui s'adressent aujourd'hui vos hommages? Aux moralistes incisifs? Aux clercs familiers d'un roi célèbre? Aux conférenciers pieux goûtés même des hommes d'armes et des gens de cour? Non. Ces titres ne suffiraient pas à la gloire de Sorbon. Vos hommages s'adressent au fondateur de cette maison de Sorbonne, d'où l'on sortait autrefois marqué d'un prestige qui n'empruntait rien au hasard de la naissance, aux caprices de la faveur, parce qu'une science éprouvée pouvait seule la donner. Maison illustre entre toutes, où venaient retentir les événements les plus importants de notre vie nationale et dont l'Europe moderne a conservé le souvenir mêlé d'admiration, de respect et de reconnaissance. Daniel Königsberg qui lisait un discours prononcé par Élie Méric lors de l'inauguration du monument à Robert de Sorbon, donc à la Sorbonne, le 8 octobre 1888. Faut juste le dire parce que Élie Méric était lui-même docteur en théologie ecclésiastique, donc là on a cette vieille tradition universitaire reliée à l'Église, et puis il était lui-même professeur à la Sorbonne. Dans ce que vous venez d'entendre, Nathalie Gorotchov, il y a aussi cette relecture très intéressante du personnage de Robert de Sorbon, qui en fait est accaparé comme gloire nationale, mais même malgré lui, au sens où jamais il n'avait imaginé ça, et la Sorbonne s'impose comme une institution majeure. Oui, c'est très intéressant parce qu'on est au début de la Troisième République, donc moi je suis pas contemporanéiste, mais il est clair que cette commémoration, elle permet d'exalter le savoir, l'université, les valeurs du savoir dans cette société française de la Troisième République, avec l'apparition de l'école gratuite. Et c'est tout à fait intéressant parce que Robert de Sorbon apparaît vraiment, oui, comme une gloire nationale. Et puis finalement, on voit que le discours retient surtout ce rapport au savoir. Un professeur qui a été attentif à donner les meilleures conditions possibles à des étudiants. Et au fond, c'est pas si faux. C'est-à-dire que c'est vrai que Robert est un moraliste, c'est un prédicateur, il a écrit des traités sur la confession, sur la pénitence. Ça, c'est très lié à son époque, hein. Il y avait beaucoup de traités de ce genre. Donc ça, c'était pas très original au milieu du XIIIe siècle. En revanche, c'est vrai que son attention à l'étude, cette fondation d'un collège dans lequel les étudiants ont des livres, peuvent étudier dans les meilleures conditions possibles, dans le silence, avec un confort matériel, c'est finalement véritablement une œuvre au service du savoir. Et je crois que dans ce discours, le ton est assez juste finalement, même si c'est un peu excessif peut-être d'en parler d'une gloire, que d'en parler d'une gloire nationale, mais il n'y a pas tant de professeurs que ça au XIIIe siècle qui finalement ont œuvré comme Robert de Sorbon pour l'étude, y compris finalement au service d'étudiants qui ne sont pas forcément des étudiants riches, des étudiants nobles, des étudiants qui ont tous les moyens. Ça, c'est vrai. Et puis cet universalisme de l'université qui est aussi à souligner. Alors, ce que nous entendons sous la Troisième République, mais repris dans le cadre patriotique, mais déjà, cette chose-là, Nathalie Gorotchov, est à l'origine de l'université. En fait, il n'y a pas de notion de pays à ce moment-là. Pas du tout, hein. Donc tout le monde parle latin, tous les étudiants sont accueillis, les professeurs peuvent être de toutes les nationalités, de même que les étudiants, et tout ce monde travaille ensemble. Alors il y a les nations, bien sûr, qui sont des marques de solidarité finalement, mais au fond, les études sont les mêmes pour tous, Et le collège de Robert de Sorbonne, d'ailleurs, était ouvert à toutes les nationalités. Hein. Il n'avait pas réservé les bourses à telle ou telle nationalité. Au XIVe siècle, on a un peu plus d'informations. On voit bien qu'il y a des étudiants de toutes les nationalités, de toutes les régions d'Europe. Et peu à peu, les autres collèges disparaissent en fait ou sont phagocytés par cette énorme Sorbonne. Ou alors la Sorbonne demeure cette exception jusqu'au XVIIe siècle où la théologie s'installant ici, c'est là où le nom s'impose plus que le souvenir même de Robert de Sorbonne. Oui, c'est longtemps resté jusqu'à la fin de l'époque médiévale, au début de l'époque moderne, d'abord un collège parmi d'autres. Hein, et je rappelle qu'il y avait quand même des dizaines de collèges à Paris alors qui ont été fondés. Après, l'œuvre de Robert a été imitée. Par des cardinaux, par des chanoines, par des reines, hein, qui ont fondé d'autres gros collèges à Paris. Et donc, finalement, le collège de Sorbonne, il faut imaginer qu'au XIVe, au XVe siècle, à la fin du Moyen-Âge, c'était un des collèges parisiens, finalement. Il n'avait pas de rôle particulier. Il y avait peut-être, comme il y avait plus de théologie, hein, il y avait la bibliothèque, ça lui donnait une certaine renommée, mais c'était quand même un des collèges. C'est ensuite, alors après, au XVIIe siècle, avec Richelieu, quand il y a eu reconstruction de la Sorbonne, que là, véritablement, la Sorbonne est devenue l'université monumentale. Voilà, l'université monumentale, celle construite au XVIIe siècle par Jacques Lemercier, et puis celle reconstruite sous la Troisième République, qui est toujours là et qui nous plaît autant. Long voyage dans le temps à la rencontre de Robert de Sorbonne, grâce à vous Nathalie Gorochoff. Merci vivement. Je rappelle, naissance de l'université, les écoles de Paris d'Innocent III à Thomas d'Aquin. C'est publié chez Honoré Champion, encore cet ouvrage collectif auquel vous avez participé, l'université et la ville, les espaces universitaires et leurs usages en Europe du 13e au 21e siècle aux presses universitaires de Rennes. Merci vivement à vous. Et nous poursuivons notre course jusqu'à retrouver le kiosque pour prendre le journal, et pas n'importe lequel, celui d'Anaïs Kien, le journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, les recherches sur l'implication de la France au Rwanda au moment du génocide des Tutsis. Alors, les affaires avancent, mais pas forcément là où on les attendait. C'est un physicien en poste au CNRS, membre de l'association Survie, Philippe Granet, qui a dépouillé les archives de François Mitterrand, déposées aux Archives nationales, et qui livre ses premières découvertes sur ce que savait le président de la République et ses proches au moment du génocide des Tutsis. Philippe Granet livre ses premières découvertes, pas de révélation sur la politique de la France au Rwanda à l'époque du génocide, mais une attestation par ses archives inédites, des scénarios déjà formulés par les chercheuses et les chercheurs depuis le milieu des années 90. Dans ces dernières découvertes se trouvent des documents qui attestent du soutien aux extrémistes Hutus de François Mitterrand et de quelques membres les plus proches de son état-major avant, pendant et après le génocide. Des preuves supplémentaires qui amènent François Granet à l'accusation de complicité de génocide dans le but de maintenir le Rwanda dans la zone d'influence française, comme d'autres pays d'Afrique d'ailleurs à la même époque, à la différence que l'on a ici un cas extrême des conséquences de cette politique. Il n'y a aucun aveuglement. Les décideurs français sont informés de ce qui se passe au Rwanda. Ils sont alertés des années avant de la préparation du génocide. Ils sont alertés de son déroulement dès qu'il commence, dès les premières heures. Et ensuite, évidemment, après le génocide, la question de l'information ne se pose même plus, puisque effectivement, là, tout le monde entier est au courant. Un soutien français avisé et informé et des livraisons d'armes pendant les mois qui précèdent les massacres de près d'1 million de personnes entre avril et juillet 1994. Et par la suite, une assistance apportée au gouvernement responsable du génocide qui a pu fuir librement grâce à une instruction écrite du Quai d'Orsay demandant l'évacuation de ses membres sans attendre la décision de l'ONU à leur sujet. Ces livraisons d'armes étaient pourtant proscrites après les accords de paix d'Arusha en 93 et 3 mois avant le génocide, les Nations Unies avaient déjà saisi une livraison en provenance de la France alors que la démilitarisation de la zone de Kigali, épicentre du génocide, avait été décidée. François Granet nomme aussi les zones d'ombre qui subsistent encore, notamment sur le rôle de l'état-major et de mercenaires français comme Paul Baril et Bob Denard dans l'attentat du 6 avril 1994 contre le président rwandais Juvénal Habyarimana, un attentat prétexte au coup de force Hutu et au génocide des Tutsis. Cet accès aux archives du président Mitterrand, avant, pendant et après le génocide du Rwanda, ne s'est pas fait sans mal. François Granet l'avait finalement obtenu grâce à une décision du Conseil d'État en juin 2020, après 5 années de procédure. Une recherche sur les responsabilités au Rwanda qui se fait à 2 vitesses pour établir des faits attendus, puisqu'une commission dirigée par Vincent Duclerc sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis est toujours à l'œuvre depuis 2019, à la demande d'Emmanuel Macron. Cette commission bénéficie de l'accès aux archives alors que les conditions de consultation des archives contemporaines ont été durcies encore récemment, ce que déplorent plusieurs associations et collectifs qui dénoncent l'entrave induite pour la recherche sur des épisodes très sensibles, à commencer par l'occupation et les guerres coloniales. La recherche en histoire bénéficie toujours de la diversité des analystes qui se penchent dessus en fonction de leur spécialité, mais ce principe d'accès aux sources reste fragile et constitue en ce moment même un combat pour les chercheuses et les chercheurs privés de leurs matériaux essentiels à l'élaboration d'un travail d'histoire. Merci beaucoup Anaïs Quien. Le journal de l'histoire est sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Valentine Lovrens, Marion Dupont, Odile Jouessel et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter ou à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Toute la semaine, nous nous intéressons à ces grandes figures qui ont façonné l'université eux-mêmes, l'université pour les écoles gallo-romaines. Nous avons entendu Robert de Sorbonne. Demain, nous allons évoquer Julie Victoire d'Aubier, une pionnière de l'université.